j'écoute pas, non, je râle pas, je coûte pas, il faut pas râler, il faut pas douter, c'est pas grave, rien n'est grave, rien n'est important, de toute façon, à chaque fois, c'est pareil. Non, c'est pas que ça qui compte, mais tu pourrais faire un effort. Tu ne fais pas des efforts. Oui, oui, je râle. Quand je pars en week-end, tu te remets à laisser traîner tes fringues. Quand je reviens, y'a un demi-mètre cube de vaisselle dans l'évier. Alors tu me dis que t'as même pas fait la bringue. C'est pas ça, c'est que tout le temps, dès que je suis pas là, tu redeviens celui d'avant. Quand on se connaissait pas et je râle. Je vois mes copines, toi t'appelles tous tes copains. Pendant qu'ils pillent la cuisine, toi rebelle, tu leur files un coup de main. C'est pas ça, c'est que tout le temps, dès que je suis pas là, tu redeviens celui d'avant. Des défauts plein les bras et je râle quand tu fais. Esquiver discrètement. Moi, folle de rage, te jetterai à la gueule le détergent. C'est pas ça, c'est que tout le temps, dès que je nettoie, tu redeviens celui d'avant. Ce parfum dont je voulais pas et je râle. Time.